m'appelle Yann Dour, je travaille pour une association qui s'appelle le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Donc nous sommes basés à Arles, dans le sud de la France, pas très loin de Marseille, et donc à proximité de la Camargue, donc Delta du Rhône. Et je vais vous présenter succinctement retour d'expérience sur ce que nous avons réalisé depuis une dizaine d'années maintenant en termes de médiation sur le fleuve, sur son delta et ses embouchures. Voilà, déjà, je voulais aussi vous remercier de m'accueillir dans le cadre de vos travaux. Voilà, et je ne serai peut-être parfois pas très à l'aise parce que je n'utilise rarement ce type d'outil numérique. C'est très bizarre de parler devant une salle vide, même si vous êtes là, je vous vois, mais voilà ça. Voilà. Voilà, donc le Rhône et ses embouchures, un fleuve, un bassin d'accent entre nature et société. Voilà, donc quelques éléments pour cette approche globale. D'un objet fort complexe et fort dynamique que représente le fleuve, et on va voir que c'est pas toujours facile de le transcrire en action pédagogique. Donc voici le plan de mon exposé hein, qui va durer à peu près une trentaine de minutes, je pense, pour laisser le temps aux questions. Donc une petite introduction, je ferai un petit point sur le territoire qui est ciblé. Ensuite, j'aborderai ce que j'appelle le contexte de réappropriation, parce que vous allez voir que ces dernières années, on a eu un contexte bien particulier concernant le fleuve Rhône, et plus particulièrement la zone deltaïque. Et je terminerai par une partie que j'appelle éduquer au fleuve, approche pluridisciplinaire et outil partenarial. Donc en deux mots, hein, je vous l'ai dit, donc, je fais partie du Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Donc c'est un label qui est donné à 80 associations en France aujourd'hui et qui agissent, on va dire, dans deux domaines d'activité en faveur du durable, qui sont la sensibilisation et l'éducation de tous les publics aux questions d'environnement et de citoyenneté, mais également l'accompagnement des territoires aux services nos actions en termes de visée pédagogique sont surtout destinées à quatre types d'usagers, hein, des territoires, les élus et les collectivités territoriales, les scolaires et établissements éducatifs, les acteurs socio-professionnels et enfin les habitants. Et là, vous voyez donc au niveau national, 80 associations labellisées ces lieux, ce qui nous donne vraiment la force de leur réseau. Vous pourrez y revenir tout à l'heure si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cette organisation. Donc le fleuve Rhône, petit point quand même sur son territoire. Donc nous sommes basés en bas, là, au bord de la mer Méditerranée, mais on a quand même un fleuve qui, bien entendu, fonctionne avec son bassin versant, qui fait à peu près 96 000 km². Donc c'est le plus grand bassin versant qu'on trouve en France. Et on va voir que, évidemment, ce qui va se dérouler sur la zone de la Camargue et des embouchures, va être notamment très dépendant de tout ce qui se passe sur ce grand territoire-là et sur lequel on retrouve notamment une grande diversité climatique, hein, du climat montagnard ici, du climat méditerranéen ici, et une grande diversité géologique qui fait que notamment les phénomènes de crues peuvent être chez nous extrêmement rapides, très très rapides lorsqu'on a des pluies sur le massif central ici, ou des phénomènes qui peuvent être beaucoup plus lents lorsqu'on a des pluies sur ce secteur-là, bassin versant. Vous arrivez à voir le pointeur de la souris ? Oui, oui. Ouais, c'est magnifique, c'est génial. Et si on zoome un petit peu plus sur la partie deltaïque, donc vous avez Arles, je suis ici, hein, donc on est tout en bas, hein. Et donc le Rhône, lorsqu'il arrive dans le secteur d'Arles, vous le savez sûrement, mais il se divise en deux bras, le petit Rhône ici et le grand Rhône ici. Voilà, et donc c'est sur tout ce secteur delta que nous menons, entre autres, des actions pédagogiques sur le fleuve. Alors ce delta, on y reviendra dans un petit moment, mais là déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a trois parties de ce delta et on y retrouve quasiment la plupart des mesures de protection qui existent, soit au niveau national, au niveau communautaire, au niveau européen ou au niveau mondial. La Camargue est un vrai millefeuille d'outils de protection, d'aménagement du territoire, de labels, etc. Et on va voir que ça va aussi avoir une influence sur le contexte des actions pédagogiques. Donc, le contexte du Rhône, ces dernières années, on parle beaucoup de la question de reconquête, de la redécouverte, voire de la réappropriation. Et c'est dans ces trois termes que vont se placer justement les actions pédagogiques que nous menons et que je vais présenter quelques temps. Donc on est bien dans un contexte de réappropriation. Pourquoi parle-t-on de réappropriation? Ben, tout simplement parce qu'il y a eu une rupture très importante entre la société, les habitants, les dirigeants et fleuve et son bassin versant. Tout d'abord, 1850, eh bien, on a la construction d'une voie de chemin de fer qui va descendre tout le long de la vallée du Rhône. Ici, c'est une photo qui a été prise donc en 1930 à Port-Saint-Denis, donc on n'est pas très loin de la mer Méditerranée, à côté de l'embouchure du Grand Rhône. Et donc le train va être la fin de la batellerie traditionnelle qui existait sur le fleuve. Et donc tous les mariniers, tous les gens qui étaient autour du fleuve, fabrication de bateaux, transport, fabrication de cordages, etc., logistique, ben, tous ces gens vont partir du fleuve et ils vont aller dans d'autres ports, notamment pas très loin de Marseille ou pas très loin de Seine. Une autre rupture très très importante, ce sont les inondations de 1840-1856, qui sont des inondations très très importantes. Et on le voit d'ailleurs sur cette image, vous avez ici Napoléon III, empereur, qui, pour la première fois dans l'histoire de France, l'empereur vient en province pour constater les dégâts de l'histoire. Et il vient notamment avec le train. Et on le voit ici en train de distribuer des coups d'or à la population qui est sur le toit. Ça, c'est la ville de Braxton, pas très loin de Paris. Et pour la première fois, l'État français va engager des crédits pour protéger les biens et les personnes contre les catastrophes naturelles, et l'État financer la construction de digues qui ont littéralement coupé les rues qui existaient entre les habitants. Face à ces 18 ans, la création de la Compagnie nationale du Rhône, où le fleuve est à partir de là perçu essentiellement comme du début et de la pente. Et donc il est l'objet de production hydroélectrique. On le transforme en autoroute à bateau, entre guillemets, pour calibrer le fleuve pour le transport de marchandises à Grand Paris. Et on va développer énormément une irrigation, notamment dans toute la vallée du Rhône, qui est une unité de céréales, oléagineux, etc. Et donc du coup, on passe bien d'un fleuve qui était support de populations locales territoriales, si je puis dire, à un outil de développement régional puis national, puisqu'on a bien la Compagnie nationale du Rhône qui va notamment produire beaucoup d'électricité qui va être dans l'ensemble de l'eau. Et du coup, on va voir que petit à petit, eh bien, on va occuper de plus en plus le lit majeur du Rhône, notamment pour les usines, les autoroutes, l'urbanisation, la création de villes, l'extension de hôtels. Et du coup, le fleuve, autant il était pourvoyeur de richesses, d'idées, de fertilité, autant à cette époque-là, il devient un voisin gênant. Donc il faut se protéger et se détruire. Et ça, c'est un moment très très important dans la population locale, évidemment. Mais petit à petit, depuis quelques années, on est dans le temps, c'est-à-dire de la redécouverte. Et une redécouverte qui n'est pas toujours facile. Ici, ce sont des images d'une forte crue à Arles en 2003. Ça a été le choc, puisque depuis 1856, aucune zone urbaine n'avait été inondée dans la partie méridionale du Rhône. Et 2003, des zones comme celle-ci sont restées sous l'eau pendant un mois à peu près, donc plusieurs milliards d'euros de dégâts, et ça a été la claque pour tout le monde, aussi bien les dirigeants, les habitants de cette société économique. Donc vous voyez une catastrophe majeure qui nous fait redécouvrir le fleuve. C'est très douloureux de ce coup. Juste pour replacer un petit peu cette crue dans le temps, vous voyez que depuis les années 1500, on a eu trois épisodes de cette taille-là. Et on va voir que dans les actions de la pédagogie, il sera notamment question de retravailler sur cette culture risque. C'est un élément important, c'est-à-dire la vie commence à oublier le risque. Et il faut arriver à maintenir cette conscience-là, mais sans non plus être moralisateur ou. Voilà. Alors, un temps de redécouverte du fleuve qui, lui, a été ludique et plus délicieux, si je puis dire, c'est les dernières fouilles archéologiques qui ont été réalisées dans le fleuve, qui se déroulent, vous le voyez, vraiment dans le secteur urbain hein, de la ville d'Arles. Je ne reviendrai pas sur tout le détail, hein, pas le temps de ce qui a été coupé, mais là, c'est une image de la sortie des tronçons. D'un chaland commun qui a été fait en entier dans le fleuve, et vous le voyez, il est quand même classé trésor national, présenté donc au musée départemental de l'Argentine, donc un chaland qui fait trentaine de mètres de long, et on voit très bien que dans la communication, on a Arles, on a Rhône, et on a national, c'est-à-dire que le fleuve reprend une place. Au niveau national, il n'est plus le voisin gênant dont on voudrait se débarrasser. Et là, évidemment, le fameux buste de César, ça, c'est les éléments trouvés à Arles montent à Paris, sont exposés au Louvre. Et là aussi, on a Arles et on a les fouilles du Rhône. C'est-à-dire que l'exposition ne peut plus s'appeler Jules César ou le chaland romain. Non, l'exposition s'appelle bien les fouilles du Rhône, et on voit que là déjà dans la médiation, le fleuve prend une place de cidre. Donc, aujourd'hui, on vient sur un fleuve hein, qui devient un atout en fait, de l'organisation des cités riveraines, et il devient également un élément de décor, et il est véritablement un vecteur de développement. Économique, sociale et culturelle. Il est clair qu'aujourd'hui, une ville d'Arles comme Arles, sans l'atout des dernières fouilles de Subatou, elle ne connaîtrait pas l'essor du tourisme tel qu'elle est aujourd'hui, mais en même temps, du coup, on a beaucoup plus de difficultés de fleuve, donc la nécessité de la présentation. Ça va, tout va bien, vous ne dormez pas? Non, non, non, non. Voilà, donc aujourd'hui, dans cette phase de réappropriation, le Rhum n'est plus considéré que comme débit et pente, hein, débit et pente qui, je vous rappelle, dans les années 1930, était l'élément produisant de l'électricité et faire circuler les bateaux. Ouais. Aujourd'hui, il est bel et bien un espace public, un lieu de socialisation, un terrain d'expression. Vous voyez là sur ces images, regardez celle-ci notamment. Ça, c'est des concerts, etc., sur le pont du Rhône à Arles. Avant l'inondation de 2003, ce type d'image n'existe pas. Il n'y avait personne. Bon. C'était un boublier de. Juste quelques mots là aussi pour penser le défi pédagogique de parler du fleuve de ses embouchures. C'est un delta qui bouge beaucoup. Ça, c'est le delta il y a 6000 ans. Regardez, il y a 5000 ans, 3000 ans, 1500 ans, 150 ans, et aujourd'hui. Et donc, pour revenir sur ces images, bien qu'on a des bras du fleuve qui vont se déplacer d'est en ouest, des linéaires côtiers qui bougent. Et la Camargue telle qu'elle est aujourd'hui, suite aux inondations de la fin du 19e siècle, les ingénieurs des ponts et des chaussées ont construit des digues ici sur le Grand Rhône et une digue à la mer en pensant que ça allait plutôt rendre ce delta statique et qu'il arrête de bouger. Parce que c'est pas pratique ce delta qui fait peut-être certainement que suffit sur l'aménagement du fleuve. Bien sûr, dans ce delta, on trouve une diversité d'habitats, une flore majeure. Le Rhône est évidemment un axe de migration pour les oiseaux. C'est un axe de migration pour les poissons. Hein, là, vous avez la lose, par exemple, c'est une cousine de la sardine. C'est pas très bon d'ailleurs, c'est plein d'arêtes. Vous avez la lamproie marine, l'anguille, l'esturgeon, qui a fréquenté le port pendant longtemps. Même si on ne faisait pas de caviar, mais très peu. Dans ce patrimoine naturel, il y a quand même des choses extraordinaires. Vous avez deux poissons qui ne vivent que dans le bassin Rhône. Ça ne peut plus. Évidemment, des poissons qui ont disparu. Hein, l'esturgeon n'en a plus aujourd'hui, même s'il y a un projet de le réintroduire. Et puis, un autre disparu, c'est tout. Géante qui faisait à peu près 20 cm et avec laquelle on faisait des boutons. Et on utilise, hein. Et en parlant, en continuant d'évoquer le côté dynamique, il y a aujourd'hui une grande problématique, la question du changement global et de l'évolution climatique. Vous le voyez ici avec le glacier qui est quasiment sur du Rhône. Vous voyez le même terre ici en 1906, vous avez aperçu les 26 glaciers derrière, et aujourd'hui, en 2003, bien sur cette zone-là, on n'a plus de glace. Donc ce changement global, cette évolution climatique, son appréciation est difficile, notamment en lien avec la dynamique fiscale, mais on peut déjà donner quelques constats. Le premier, vous l'avez vu, donc on a du fond de neige, une évaporation accentuée, évidemment. Du coup, ce qui va inévitablement modifier les rapports entre chaque acteur économique qui s'entretient du coup avec le fleuve, et notamment en période bestiale. C'est-à-dire une question qui se pose, c'est est-ce que les gros bateaux qui circulent aujourd'hui pourront-ils toujours circuler sur le fleuve? Ça, sûrement, il n'y a pas vraiment de réponse. Et un autre point important dans cette visée de médiation sur le fleuve, c'est la question du pacte de vie. On l'a vu, on est passé d'une occupation du fleuve s'éloigner du lit mineur, puisque les anciens avaient cette culture, puisqu'ils savaient que le club pouvait rentrer dans son vie majeure. Voilà, ça, ce sont deux images qui se passent quasiment documentaires. Vous voyez que l'urbanisation est entièrement dans le lit mineur du fleuve. Et sur la zone protégée, entre guillemets, eh bien, on a beaucoup moins d'infrastructures. Hein. Vous voyez ici, les grandes zones urbaines, les usines, qui sont plus mondiales. Donc, autant de foyers de population, si tu veux dire, avec lesquels il y a nécessité de travailler sur le lien qui vont tenir avec le feu. Alors, dans ce cadre de vie, on pourrait parler aussi des questions de l'eau, des usages, des paysages, des cultures patrimoniales, la question de la gouvernance également. Mais je n'aurai pas le temps là, de développer tous ces aspects. Donc, aujourd'hui, on l'a vu, ce fleuve, même s'il reprend une valeur patrimoniale, c'est quand même surtout deux facteurs qui ont positionné les principales ressources et les multiples usages. Alors ça, c'est un graphique que j'aime beaucoup. Vous voyez, tout le parcours du Rhône se redétend sur une pente. C'est pour ça qu'on va exploiter, on va faire beaucoup d'usines hydroélectriques. Et lorsqu'il arrive à Arles, eh bien, c'est tout là qui explique du coup la création du delta, mais ce qui explique aussi le fait qu'on n'a pas d'aménagement hydroélectrique sur la zone d'Arles. Alors, c'est une chance ou pas, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que, au niveau pédagogique, c'est que cette zone ici permet d'imaginer comment était le fleuve ici avant les aménagements. Et donc, dans la pédagogie, ça permet un aller-retour, à la fois dans l'espace et dans le temps, pour prendre du coup le potentiel du fleuve, pour imaginer ce qu'on pourrait en faire eux-mêmes. Hein, vous voyez là sur cette carte, donc, tous les équipements électriques sont basés sur la zone de pente, et plus tard, donc, sont couplés à ces aménagements des écluses pour le transport passager de marchandises. Évidemment, le fleuve utilisé beaucoup sur la question de la culture des pieds, pas de l'écluse. Là, c'est de la pollution. Hein. Et puis, bien sûr, ce fleuve, le tourisme loisir, donc là aussi, une demande des publics. Plus en plus important, voire de l'information. Donc aujourd'hui, j'allais dire, penser à un développement durable du territoire du Rhône particulièrement, c'est avant tout composé avec l'hôpital la plus facile. Ce qui est clair que si les ingénieurs qui aujourd'hui si travaillaient sur l'aménagement de ce fleuve ne le feraient pas, comme l'ont fait les ingénieurs de la fin. 19e siècle, mais les aménagements sont là, difficilement les éviter. Alors, comment tout ceci va maintenant nourrir la question de l'éducation au fleuve? Eh bien, nous l'avons imaginé vraiment comme quelque chose, on l'a vu, de pluridisciplinaire, d'économie, archéologie, d'histoire, hein, et de fait, si elle est pluridisciplinaire, elle peut difficilement être réalisée par un seul acteur qui peut avoir toutes ces compétences-là. Donc, voilà ces questions des disciplines. Hein. On a un patrimoine naturel. Ce patrimoine naturel, en plus, il est en constante évolution. Il bouge sans arrêt. On a, bien entendu, la question du fleuve, la question du bassin versant. Pas juste les questions naturelles, mais la question de la société. Et évidemment, les aménagements, la question de et la culture. Et puis en même temps, on va avoir une diversité publique, scolaire, public, habitants, citoyens, les acteurs socio-économiques, les élus, les citoyens, les étudiants. Et donc, tout notre défi, il est bien de jongler entre ce fleuve pluridisciplinaire dynamique, qui bougent dans l'espace et dans le temps, et cette diversité des publics, quand ils ont des attentes particulières qui nécessitent des adaptations spécifiques. Donc là, ce que je vais vous présenter, parce que je ne peux pas vous présenter pour tous les publics, nous on va cibler plutôt sur les jeunes, donc 8 à 18 ans, ce qui correspond à la fin du cycle primaire et début du cycle secondaire. Donc comment on va en arriver, comment on se positionne, nous, en tant que centre permanent d'initiative pour partir, on va dire, de l'association, Cure et ses partenaires, vers la question de l'éducation au développement durable. Eh bien, pour ça, on va avant tout s'intéresser aux problématiques locales, les acteurs locaux, les politiques institutionnelles et les caractéristiques géologiques. C'est un petit peu la partie précédente de notre exposé. Donc, la question du territoire. Et bien sûr, on va beaucoup s'intéresser à la question des publics, notamment l'éducation nationale, avec le public scolaire, puisque là, on va avoir de fortes attentes institutionnelles. C'est-à-dire que les enfants dans les écoles, les enseignants ont des problèmes. Donc, il faut travailler en cohérence avec ces problèmes. Il y a un cadre divers et varié, et il y a également le projet de l'enseignant. L'enseignant qui veut travailler sur le fleuve Rhône, il a une idée déjà, des souhaits, des envies, et donc on va nous accompagner l'enseignant, et quelquefois beaucoup plus que ce qu'on fait directement avec les élèves. Et une fois qu'on a travaillé sur ces questions de territoire, on va bien évidemment les mobiliser dans ce qu'on appelle de l'ingénierie territoriale, c'est-à-dire le réseau des partenaires. C'est-à-dire qui fait sur la fleuve, à quelle connaissance sur la fleuve. Et donc on va aller dans le noir, on va y aller mobiliser, chercheurs, des institutions, des gestionnaires, etc. Et puis on va également mobiliser conception de l'outil, des animations, conception de l'outil, etc. Et tout ça va du coup demander de traduire ce territoire, ces publics et ce qu'on est censé utiliser, de la traduire en programme pédagogique, et du coup, la question du centre de ressources, l'accessibilité des locaux. Et une fois qu'on a fait tout ce travail de l'ombre, eh bien on en arrive enfin à des propositions pédagogiques qui peuvent être des documents d'orientation, je laisserai ça de côté aujourd'hui, qui peuvent être des outils pédagogiques, on verra quelques exemples, et bien évidemment des actions directement sur le terrain. Donc je vais vous présenter une de ces actions. Donc voici les principaux partenaires techniques et pédagogiques. Donc Voies Navigables de France, qui s'occupe de toute la question du transport de public et de marchandises sur le au niveau national. Le musée Réatu, le musée d'art contemporain, qui nous permet une ouverture sur la question des arts plastiques, de l'esthétique. Le musée en latin, c'est un musée toute l'Afrique et Frédéric Mistral, qui est budé c'est un musée qui a beaucoup travaillé sur la question des mariniers. Bien évidemment, le musée départemental de l'Arctique, je vous laisse. L'association migrateurs en Méditerranée, qui sont des chercheurs sur la gestion des populations de poissons, le parc naturel régional de Camargue, le port d'Arles et la compagnie nationale du Rhône. Vous pouvez voir que dans ces partenaires, il n'y en a quasiment aucun dont la mission principale, c'est la pédagogie. Par contre, ils ont tous une mission de connaissance fine de l'objet fleuve. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans ces projets-là, puisqu'ils vont permettre de faire des liens sur la connaissance. Alors voici quelques champs thématiques qui sont inclus dans ces projets pédagogiques. Donc vous voyez que pour les enseignants, ça peut représenter un effet très important. Voici quelques exemples de problématiques en début du projet. Donc, risque d'inondation et contexte contemporain. Comment on fait pour continuer à développer de l'urbanisation dans le lit préservation de la ressource en eau en termes de qualité, aménagement de biodiversité, c'est l'action souvent qui passe à force. Quelles ressources aujourd'hui pour aller vers le développement durable du territoire humain. S'intéresser à la gestion du bassin versant, finalement, est-ce que ce n'est pas déjà pensé et évolution climatique et linéaire côtier, quel avenir pour la marne? On est en plein dedans, à la fois des enfants de 5-6 ans, jusque à des acteurs socio-économiques et techniques. Alors concrètement, que font les élèves qui participent à ce projet pédagogique, je suis passé un long moment sur la phase conception. Donc voici ce que vivent concrètement les enfants. Dans une première étape, on fait une introduction en salle, en général à partir d'un diaporama, à partir de petits questionnaires, à la fois pour montrer que le fleuve, c'est pas que de l'eau, parce que souvent pour les enfants, c'est de l'eau, le fleuve, montrer que ça va peut aller beaucoup plus loin, et puis essayer de recueillir des représentations. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils savent déjà, qu'est-ce qu'ils savent pas, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les intéresse. Ensuite, le deuxième temps, on est vraiment sur un temps sensoriel, si je puis dire, où on amène les élèves sur un bateau et on fait un parcours autour d'arbres avec des outils de lecture de paysage, où on est dans de l'identification de tout ce qui se passe sur le bateau. Et l'analyse se fait plus tard. Et là, on est sur le recueil de données, sur le parcours autour d'Arles, hein, Arles est ici, d'accord, le musée départemental de l'Arles est ici, et on fait ce parcours entre Grand Rhône et Porto. Et vous voyez là, ici, un petit mais n'empêche qu'on est dans des champs très les marquiers, fouilles archéologiques, folklore, milieu naturel, protection contre les crues, etc. Et donc les élèves font un repérage de toute cette zone. Et ensuite, en fonction du projet de l'enseignant, eh bien, ce dernier va choisir différentes actions qui vont venir l'aider à continuer à travailler sur un problème de départ. Donc, par exemple, certains travaillent sur la question de fondation. Là, on va provoquer un proposition aujourd'hui. Tous les élèves, donc ça c'est le territoire, qui... Donc les élèves sont répartis en équipes, chaque équipe et le conseil municipal va donc devoir aménager sa commune en fonction du risque d'inondation. On travaille également sur la question de l'hydrologie. Comment ça marche en fleuve? Comment sont transportés les matériaux? Comment ça se construit à Marne? Eh bien on met des cailloux, des graviers, des sables, des éponges pour provoquer des forages. On est sur la question de la pente et on arrive à créer une petite canard. Et ça, c'est génial parce que l'animateur, finalement, il se parle. C'est les enfants qui font et qui constatent le travail de l'eau. On travaille beaucoup aussi sur la visite d'infrastructures, sur la rencontre d'acteurs. Donc là, c'est la visite d'un chantier naval qui peut aussi donner des idées sur des futurs métiers. Donc on a toujours une animatrice ou un animateur. Avec, là ici c'est un chaudronnier, hein, qui a la spécialité c'est la réparation des bateaux, mais on a toujours un animateur qui joue le rôle d'interprète un petit chaudronnier. Ici c'est la visite du port d'Arles, là c'est l'intervention sur la question de la batellerie traditionnelle, à quoi ressemblaient les bateaux avant, comment ça fonctionnait, etc. Donc ça, très adapté à un projet pédagogique sur l'histoire. Ici, une approche plutôt ethnographique des anciens. C'est un jeu de pistes dans le vieil Arles pour retrouver des indices de où était le port avant, etc. Voilà, j'ai terminé ce petit. Et je vous remercie de votre attention.